Page 75. Activité 8. Piste 63. A. J'aime la musique. B. Alice habite à la campagne. C. La salle de classe est large.